Métete un, métete un, métete un, métete un, tete un, tete un, tete un, tete un, tete un, tete un, vous êtes chez où? L'équipe Chief, Red Sky FOX. J'ai rien à perdre, frère, j'ai tout à gagner. J'ai un pour prendre mon bien en scred et me barrer au deux blé merde. Un son violent pour les fous d'un go volant, ouais. Un d'affolant, un parc marine est insolente. Mon rap du 10 ans d'âge, prépare-toi à la galette. Rien que dans mon flow, mes textes, tu sens la galère. Monde de bâtard, où l'on mate que la première place. Paluche dans la crasse et les traits parlent quand messe basse. Vois ces jalousies dans les sourires. Plus corrompu qu'une fille facile ou qu'un flic pourri. Wesh. C'est bloqué crade comme ma plume. Pendant que les mecs s'entretuent, frère, moi je prends mes thunes. La victoire est mathématique, j'ai ma tactique. Contre-attaque, c'est ce qu'il est MC, factice. Rien à battre, tes vieux conseils, fais pas l'ambiance. Tu te cachais où, sale falche, quand j'étais en yinche. Lorsque les mots sont plus mortels qu'une balle en pleine tête, faut qu'on enquille autre chose que les packs d'Enken. Demande à ta pouf où elle était quand tu voulais ken. Dans la rue, ça chiffonne plus pour des thunes, ça dégaine. Ouais, ça me l'a raconté comme à ta groupe. Les guéptiers, mon crew, ma troupe, dans la fait son trou, ma couille. Passe des feuilles, du shit et des clopes. En attendant les packs, macaques, on squatte les blocs. Demande à Fox, on reste dans le viseur des Robocop. Le temps s'écoule, merde, faut que je graille. J'ai la dalle, marre de paire à l'œil. Faut de la maille quand je braille. Maintenant que ça tue, pareil que mon son t'intéresse. À nous la grosse assiette, mec, contente-toi des restes. Prends le S, cousin, tu connais les baisses, bolos. Faut que tu nous payes cash. Et en espèce, quand le mal, tu flattes tort. T'as rien à m'apprendre, rien que ça parle et plus ça se prend. Moi j'ai pas le temps d'attendre, non, non. Ici à trop d'MC à fondre. Franchement, t'as raison, mec, il respecte plus rien. Écoute bien, MC dans chien. S'il te plaît, laisse faire les anciens. T'étais où, ma gueule, quand j'écrivais mon premier frein? Sûrement en train d'écouter de la techno, techno. Ça m'étonne pas de rap, ça sent le faux. Demande à Corso, depuis 9-7, négro. La contrebande jusqu'au hall 7. On lâche pas le steak, on a les pros. On a pas criave, on te laisse les os et le cul à pédave. T'es choqué, pourquoi tu fais peinard? Dangereux, ma gueule, parce que la rime fait mal. T'étais où, tu m'as fait perdre mon temps. Tête de l'argent, pire qu'un boulet, ce mec c'est navrant. Pas toi à perdre avec les mythos. Fais pas de promesses si t'es pas réglo. Plus le time négro de faire des concessions, car aujourd'hui faut qu'il est gros. Bouge de là, tout seul, y'a plus de thunes à prendre. Attention MC, j'suis pas un tendre. Pas le temps de faire le commis avec les meufs, c'est. Rentre à la maison, laisse-moi un peu avec mes refs, c'est. Prends ça de la graine, petit, y'a des grands ici, c'est pas la garderie. Ils étaient où tes potes quand ils t'ont marave? Ah ouais, j'oubliais, ils sont nachaves. C'est la chingue et les singes font la grimace. Veulent que l'ailleurs sur une peau de banane se ramasse. T'étais où quand c'est nos premiers bifs? Nos premières disques, négro, mon premier disque. Écoute, trop longtemps qu'on est dedans. Plus le temps, faire du rap à la shit dans. Ce que je te dis, ma gueule, c'est véridique. Tu peux me croire, c'est pas la parole d'un flic. T'étais où quand on a commencé? Je t'ai pas vu arriver. Où mec, qui tu veux bluffer? Où, s'te plaît. T'étais où? Ferme-la, laisse-nous poser. Où t'es avec nous, tu te fais grosser. Où droite, gauche, crochet. Où un peu de respect. Où quand on a commencé. Où je t'ai pas vu arriver. Où mec, qui tu veux bluffer? Où s'te plaît. T'étais où? Ferme-la, laisse-nous poser. Où t'es avec nous, tu te fais grosser. Où droite, gauche, crochet. Où un peu de respect.